L'exposé scientifique et technique nationale sur le tremblement de terre et le volcan s'est déroulé le 2 août à l'arrondissement de Samdiyun, province du Yangon, sous les auspices du comité central de la Fédération générale des scientifiques et des techniciens de Corée. Y ont pris part les scientifiques, techniciens et cadres de l'Institut géologique près l'Académie nationale des sciences de l'Université Kim Il-sung, etc. Les participants ont exposé des dizaines de thèses de valeur susceptibles d'établir le concept de prévision scientifique sur l'apparition du tremblement de terre et la possibilité d'éruption volcanique du mont Baektu et d'accélérer la modernisation des équipements d'observation afin de réaliser l'informatisation de l'observation et de la prévision du tremblement de terre et du volcan. Les meilleures thèses ont été diplômées et primées.